Des ailes aux talents, des hommes et des femmes qui œuvrent pour le bien commun, racontés par des écrivains et écrivaines. Marie Desplechin. Qu'il faille attendre 6 à 12 mois, voire 18 en banlieue parisienne, pour obtenir rendez-vous dans une structure de soins le rend fou. La souffrance encore, elle n'attend pas. Il suffirait parfois d'une seule consultation pour changer les choses. Des ailes aux talents, un podcast de la Fondation Bettencourt-Schueller, disponible sur toutes les plateformes. Si l'injonction à réussir est insupportable, l'injonction à rebondir après des échecs l'est peut-être encore plus. Et si je ne parvenais pas à m'en remettre ? Et si je n'en faisais rien ? Et si je ratais même mes échecs ? Mais imaginez, et si nous tous étions condamnés à errer, à ne pas savoir comment conduire notre raison, doutant de tout et ne pensant jamais rien, ou à l'inverse, ne doutant de rien et soutenant tout et surtout n'importe quoi ? Heureusement, un philosophe, à la fin du XVIIIe siècle, a tout fait pour nous sortir de ce mauvais pas rationnel. Et à coup de critique, a fait de l'échec non pas une impasse, mais la condition pour répondre à cette question « Que puis-je connaître ?» Aujourd'hui, Kant, sauveur de l'arène métaphysique. C'est sûrement là. Nom d'un chien ! Quelle chose extraordinaire ! Laissez-moi prendre une photo avant de faire des empreintes partout. L'appareil Geiger est complètement fou. Quelque chose a fait fondre la surface et ensuite il s'est reformé de la glace translucide. L'ensemble a la forme d'une bouteille. Je suppose que l'avion a percuté le sol à l'endroit qui représente le goulot de la bouteille. Qu'est-ce qui a pu faire fondre toute cette glace ? Descendons voir, Barnes. Dolores, pouvez-vous dire quel genre de métal c'est ? J'ai besoin d'un outil. Barnes, apportez-nous une lime ! C'est un métal bizarre. Nous allons essayer d'en préciser la nature exacte. Nous pourrions nous écarter les uns des autres pour en déterminer la forme et les dimensions. D'accord. Dispersez-vous, nous allons essayer de déterminer la forme de cet objet. Nom d'un chien. Eh, c'est presque rond. Exact. C'est rond. Je ne pense pas que nous réussirons à couper cette glace avec une hache. Oui, je suis tout à fait de votre avis. Nous allons la faire fondre avec une bombe thermique. Excellente idée. Où est-ce qu'on met le détonateur ? Par là. Ça va dégager la soucoupe en moins de 30 secondes. Oh ! Dans quelques minutes, nous aurons découvert les secrets de l'univers. Bonjour Michel Cohen-Halimi. Bonjour. Vous êtes philosophe, professeur de philosophie à l'université Paris 8. Votre dernier ouvrage paru porte sur Nietzsche, mais vous êtes aussi spécialiste de Kant. On vous doit par exemple Kant, la rationalité pratique, paru aux éditions PUF. Alors pour cette semaine sur l'échec, il faut le dire, on a parlé de Machiavel, de Saint-Augustin qui ont connu des échecs dans leur vie, des échecs biographiques, existentiels. Est-ce que c'est le cas de Emmanuel Kant ? En réalité, on sait très peu de choses de la vie de Kant, et pour emprunter à Nietzsche, on pourrait dire que c'est quand même fondamentalement l'histoire d'une tête. Les biographes, ses disciples consignent dans le fond les faits de son existence assez tardivement, quand il est assez âgé. Donc on n'a pas d'éléments d'information très importants sur la vie de Kant, et il n'est pas véritablement possible de parler d'un échec existentiel de Kant. Ce qui me semble beaucoup plus important, c'est dans cette vie intellectuelle qui est la sienne, dans le déroulement de la composition de son œuvre, c'est plutôt le rapport à l'échec historique de la métaphysique. Alors qu'est-ce qu'il faut entendre par cette idée d'échec historique de la métaphysique ? La métaphysique, au sens traditionnel, se définit comme connaissance a priori des choses en soi, connaissance a priori du suprasensible. Et Kant observe, dans le fond, que cette métaphysique dogmatique subit un certain nombre d'objections sceptiques dont elle ne se remet pas. Et donc, il observe historiquement que la métaphysique est devenue vraiment le lieu d'une confrontation qui l'homologue à une guerre sans trêve entre les positions dogmatiques, des assertions, des positions thétiques non fondées et des objections sceptiques qui font s'effondrer ces assertions. Et ce champ de bataille-là réclame, dans le fond, un arbitrage, un criblage des positions. Et c'est véritablement la démarche critique qu'engage Kant sur ce terrain d'échec historique de la métaphysique. Pourquoi s'est-il senti tout à coup investi de cette mission de sauver la métaphysique ? Et pourquoi cet échec de la métaphysique ? Finalement, Kant était philosophe, il avait déjà écrit un certain nombre d'ouvrages, mais pourquoi tout à coup ça lui a paru urgent de sauver la métaphysique ? Parce qu'il considère que là, il y a véritablement une espèce de scandale d'abandonner la raison à des questions pour lesquelles elle n'a pas de réponse, la voir se contredire sans fin, et dans le fond ne pas arbitrer dans cette arène, puisque la métaphore est fameuse, dans cette arène où dogmatique et sceptique, alors la position, j'imagine, on y reviendra, les objections de Hume sont massives, très importantes, et vont engager Kant à une réflexion et à produire même une auto-réflexion de la raison sur son pouvoir de connaissance. Je vous propose, Michel Connalimi, qu'on écoute tout de suite en fait la préface de la première édition de la Critique de la raison pure, préface qui date de 1780, où on va entendre justement Kant extrêmement inquiet pour la métaphysique et qui va tenter de la sauver. La raison humaine a ce destin particulier dans un genre de ses connaissances qu'elle se trouve accablée par des questions qu'elle ne peut écarter, car elles lui sont proposées par la nature de la raison elle-même, mais auxquelles elle ne peut pas non plus apporter de réponse, car elles dépassent tout pouvoir de la raison humaine. Dans la mesure toutefois où elle s'aperçoit que son entreprise ne pourrait que toujours rester inachevée, parce que les questions ne cessent jamais, elle se voit forcée de se réfugier dans des propositions fondamentales, qui dépasse tout usage empirique possible et semble cependant si insoupçonnable que même le sens commun se trouve en accord avec elle. Mais ce faisant, elle se précipite dans une obscurité et dans des contradictions à partir desquelles elle peut certes conclure qu'inévitablement il doit y avoir quelque part, à la racine de celle-ci, des erreurs cachées, mais des erreurs qu'elle ne peut découvrir parce que les propositions fondamentales dont elle se sert, outrepassant les limites de toute expérience, ne reconnaissent plus aucune pierre de touche empirique. Le champ de bataille où se développent ces conflits sans fin s'appelle alors métaphysique. Il fut un temps où celle-ci était appelée la reine de toutes les sciences, et, si l'on prend l'intention pour le fait, elle méritait assurément cette dénomination honorifique en vertu de l'insigne importance de son objet. Désormais, le ton à la mode en notre époque veut qu'on lui témoigne tout son mépris, et la dame, repoussée et abandonnée, se lamente comme Hécube. C'était donc un extrait de la préface de la première édition de la Critique de la raison pure, interprétée par